Jésus. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous te louons, tu es roi. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Shammah? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'acclamons, tu es roi. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Shammah? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'élévons, tu es roi. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Qui soit loué, qui soit loué, Jésus. Qui soit loué, qui soit loué, le roi de rois. Qui soit élevé, qui soit élevé, Jésus. Qui soit élevé, qui soit élevé, le roi de rois. Qui soit loué, qui soit loué, Jésus. Qui soit loué, qui soit loué, le roi de rois. Oh, louons, louons, Jésus. Oh, louons, louons, le roi de rois. Mufalme wangu nitakuimbia. Moko Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Oh, Des seigneurs. J'aimerais ressentir la joie du Seigneur en ces lieux. Est-ce que tu peux bien acclamer les rois des rois, les seigneurs des seigneurs? Non, tu n'as pas encore bien compris. J'ai dit, est-ce que tu peux acclamer les rois des rois en ces lieux, les seigneurs des seigneurs? Bien-aimé, il n'y a personne qui est comparable à lui. Il n'y a personne qui peut être comme lui. Il est au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi nous aimons exprimer notre louange. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Alors nous voulons passer un très bon moment de louange. Nous avons invité notre servante et adoratrice Big Marlène. Elle va s'avancer. Vraiment, elle va nous emmener dans la louange. Et juste après, nous allons continuer avec notre programme. Et pendant qu'elle s'avance, qu'est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore exprimer notre joie ce soir? Ah ah, c'est la joie des jeunes en ces lieux. Vraiment. La joie des jeunes en ces lieux. Est-ce que tu peux être debout? On va acclamer le Seigneur. J'entends un chant qui dit: je n'oublie aucun de tes bienfaits, car à chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer, des paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, car à chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, oh. Je pensais que tu allais pousser les cris de joie. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Est-ce que je le dis avec toi? Oh mon âme, tu fais bien de chanter, bénis l'Éternel. Oh. Ce soir, mon âme, bénis l'Éternel. J'aimerais chanter avec les gens qui sont reconnaissants. Regarde un peu autour de toi ce que le Seigneur a fait. Ça m'étonne que tu puisses rester assis. Ça m'étonne que tu ne puisses pas exprimer ce que le Seigneur a fait pour toi. Vous savez, dans des rencontres comme ici où nous sommes, on ne peut pas te pousser à louer le Seigneur. Tu dois être conscient, consciente de ce que le Seigneur a fait. Je ne sais pas ce qu'il a fait dans ta vie. Qu'est-ce qui peut te pousser ce soir à adorer le Seigneur? Qu'est-ce qui peut te pousser ce soir à louer le Seigneur? Moi, je peux dire, il m'a tiré de la mort. Peut-être toi, il t'a donné un enfant. Peut-être que tu es en train de chercher quelque chose. Je ne sais pas ce que ton cœur désire en ce moment. Mais j'aimerais que tu le fasses avec ton cœur. J'aimerais qu'on le fasse ensemble. Peut-être que c'est maintenant que tu vas recevoir ton miracle. C'est maintenant. Peut-être que tu l'as déjà reçu, mais tu dois juste remercier le Seigneur. La chanson est en train de dire, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Le Seigneur t'a sauvé dans quoi? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Ce soir, j'aimerais chanter avec les gens qui sont reconnaissants de ce que le Seigneur a eu à faire dans leur vie. Amen. Est-ce qu'on peut être debout? Nous allons le faire ensemble. C'est une chanson que nous connaissons. On ne doit pas nous pousser à adorer le Seigneur. On ne doit pas nous pousser à dire ce qui sort au fond de notre cœur. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, car à chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Ah. Des paroles pour te louer. Oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. À ta place, j'allais pousser les cris de joie, car à chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Ah, Jésus, des paroles pour te louer. Et ramasse pas les dégâts. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme. Ah. Hey. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Tu le déclares. Oh. Oh, bénis l'Éternel ce soir. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre là où tu es. Tu le chantes encore. Mon âme. Oh, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Jésus, ce soir, n'oublie aucun de tes bienfaits. Si tu sens que tu dois prier, tu le fais. Bénis l'Éternel. Si tu sens que les paroles montent, tu parles à Dieu ce soir. Oh mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme. Mon âme. C'est tellement très fort dans mon cœur. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Oh mon âme. Tu as tellement fait dans ma vie. Alléluia. Oh mon âme. Oh mon âme. Mon âme. Est-ce que tu peux le faire avec tes paroles? J'aimerais entendre les paroles monter. Est-ce qu'il y a un cœur reconnaissant, Seigneur? Un cœur reconnaissant. Je sens la grâce de Dieu ce soir. Est-ce qu'il y a un cœur reconnaissant ce soir en ces lieux? Je sens la grâce de Dieu localiser quelqu'un. Est-ce qu'avec tes mots tu peux parler à Dieu? La grâce de Dieu va localiser quelqu'un ce soir. La grâce de Dieu. Rekia Soumania Chaneba. Il y a la grâce de Dieu en ces lieux. Tu l'as dit avec tes propres mots. Aramanaba Chatalaba. Rekema Soupania Sota. Avec tes propres mots. Ah, ça monte ce soir. Ça monte ce soir. Ça monte ce soir. Ça monte ce soir. Eraka Soumania Souva. Sia soy kala so. Arama mama mama mama mama. Ce soir la grâce de Dieu en ces lieux. La grâce de Dieu est en ces lieux. Ah. Yeah. La grâce de Dieu en ces lieux. En ces lieux, une autre dimension est. Ah. En ces lieux, ah. Je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence, la grâce de Dieu en ces lieux. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé. Yeah. Dépend encore. Kido Supali Adegos. La Wakuteli Amaneva Shide. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. Je suis reconnaissante. Arama Kutele Mesh. Et la Wakusamanama. Rekasute. Rekia Souva. Oh, le Dieu de toute grâce. Il descend ce soir. Il descend ce soir. En ce lieu. Il est là en ce lieu. Il touche la vie de quelqu'un. Je le sens là en ce lieu. La grâce de Dieu en ce lieu. La grâce de Dieu en ce lieu. La grâce de Dieu en ce lieu. Arama Sutalama. Rakusapalia. Et Wakuteleme. Rasatatatata. C'est maintenant que ça se passe. Ayama Sutelebesh. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. C'est maintenant que ça se passe. Oh, la grâce de Dieu en ces lieux. Alléluia. Yes. Ça se passe maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Ouh. Ouh. Mmh. Mmh. Ouh. Ne sois pas distrait. Il y a un mouvement de l'esprit en ces lieux. Koramasumane Heshadaba. Rakusamani Hasuper. Il va nous faire du bien ce soir. Il va nous faire du bien ce soir. Il va nous faire du bien ce soir. Arama suketelebe. Moi j'entends la sonnette sonner. Le roi des gloires en train de faire son entrée. Ah! Moi j'entends la sonnette sonner. Ah, ah, ah. Il fait son entrée. Portez l'évêque. Avec puissance et autorité, les nations se prosternent, les océans rugissent. Wakeba Soumania, Aya Soutele Menevesh, Imakuta Tariamandele Boy. Les nations se prosternent, les océans rugissent. Ouh. Quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Thank you. soupirant, soupirant après toi, soupirant après toi, soupirant après toi, soupirant après toi, Seigneur. Ah, quelle présence de Dieu. Nous soupirons après toi. Nous soupirons, ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Soupirons après toi. Je finis en disant. Le Messiah, Lion of Judah, reconnaissez-moi, Jésus. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois a déjà fait son entrée. Les Sikaria Brasasaïka. L'Océdeleye Maïka Jababa. Chapleika. Le Saint-Esprit est là. Acclame la présence du Saint-Esprit. Acclame la présence du Saint-Esprit. Acclame le roi des rois. Acclame ce roi des rois. Laisse-moi te dire, parmi les armes célestes, les acclamations est une arme forte. Les acclamations est une arme forte. Jéricho est tombé à cause des acclamations. Que tes acclamations remontent au nom de Jésus. Et voilà. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Quelle présence de Dieu en ce lieu. Mais vous savez, il y a des fois, on laisse même passer les histoires, des protocoles, des programmes, on laisse Dieu faire son travail. Alléluia. Des moments comme ça sont des moments très merveilleux. Alors là où tu es, que Dieu te bénisse encore fortement. Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour cette grâce de Dieu? Que Dieu vous bénisse. En tout cas, ce soir, nous voulons passer à une autre étape. Bien sûr, qui sera vraiment à cheminer directement avec les messages. Alors, il y a un homme de Dieu vraiment bien. Et nous avons vraiment le plaisir et l'honneur d'accueillir un orateur qui vient de Lubumbashi. Nous allons d'abord le présenter avant qu'il passe. Lui, c'est le prophète Kevin Moge. Il va d'abord se tenir debout. Nous allons d'abord l'accueillir. Est-ce que nous pouvons bien l'accueillir? Nous pouvons bien l'accueillir dans la présence de notre Dieu. Ça nous fait la joie de voir parmi nous des orateurs vraiment trop jeunes, que Dieu utilise puissamment, que Dieu utilise vraiment dans la jeunesse. Et c'est vraiment une grâce que Dieu nous a donnée. Alors nous allons l'inviter. Il va commencer avec les talk shows. Un espace, comme ça dit, de découverte, de connaissances. Et juste après, il va continuer avec les messages. Et pendant qu'il s'avance, est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Dieu? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je disais que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors, aide-moi à dire à ton voisin la santé physique et spirituelle. Dis-lui très bien la santé physique et spirituelle. Si le voisin de gauche a boudé, regarde celui de droite, dis-lui la santé physique et spirituelle. Alors, pendant quelques minutes, je voudrais dire quelques phrases par rapport à ce petit sujet qui m'est donné avant de commencer mon message. Et juste après, je présenterai mes civilités et je commencerai avec mon message. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, lisons une portion des Écritures, dans Proverbes, le chapitre 4, le verset 20 à 23. La Bible déclare « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps, pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alléluia. La première des choses que vous devez comprendre, enfant de Dieu, ici, lorsqu'on parle de la santé spirituelle et physique, avant même de parler de la santé physique, il est important que vous compreniez que dans le monde spirituel, tout ce qui se passe sur la terre physique, tout ce qui se passe au milieu des hommes, commence d'abord par le monde spirituel. Alléluia. Parce que c'est le spirituel qui domine sur le physique. Voilà pourquoi un homme qui veut réussir sur la terre, un homme qui veut s'élever et servir puissamment le Seigneur, un homme qui veut réussir dans les affaires et dans tout ce qu'il fait, il est important que celui-ci maîtrise sa santé spirituelle. Parce que c'est la santé spirituelle qui détermine tout ce qui se passe dans ta vie. C'est la santé spirituelle qui détermine tout ce qui se passe autour de toi. Ainsi, du fait que la prédominance a été donnée au spirituel, voilà pourquoi il est important de comprendre ici qu'un homme qui n'est pas en bonne santé spirituellement, il lui sera difficile même de réussir dans son travail. Un homme qui n'est pas en bonne santé spirituellement, il lui sera difficile de réussir même dans le domaine des relations. Parce que vous devez comprendre, enfant de Dieu, avant l'homme physique vient l'homme spirituel. C'est ainsi qu'il est écrit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence et la sagesse. Et l'une des choses que vous devez comprendre ici avec la santé spirituelle, il existe des éléments qui permettent à un homme de croître spirituellement. De la même manière que tu prends soin de ton corps avant de venir ici, j'imagine que tu t'es lavé, tu as brossé tes dents, tu as mis des beaux vêtements. De la même manière que tu prends soin de ton corps physiquement, il est important que tu comprennes qu'il existe des éléments qui nous permettent de prendre soin de notre corps spirituel afin de connaître ce qu'on appelle la santé spirituelle. Et la première des choses, c'est la prière. Dis avec moi la prière. Dis-le très bien, la prière. La deuxième des choses, c'est la méditation de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il est écrit dans le livre de Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. En d'autres termes, vous devez comprendre, enfant de Dieu, que la santé spirituelle a la capacité d'accorder le succès à quelqu'un dans la vie. Alléluia. La santé spirituelle a la capacité d'accorder le succès à quelqu'un dans la vie. Un deuxième passage qui nous donne l'élément de la prière, c'est 1 Thessaloniciens 5:17. La Bible déclare « Priez sans cesse ». En d'autres termes, celui qui prie et qui médite sa parole connaîtra ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Et lorsqu'on parle de la croissance spirituelle, cela amène à la santé spirituelle. Alléluia. Si tu es là, balance ta main. Et le deuxième élément qui intervient ici maintenant, c'est la santé physique. Enfant de Dieu, vous devez comprendre que si votre corps n'est pas en bonne santé, il vous sera difficile de répondre à certaines de vos exigences. Lorsque tu n'es pas en bonne santé, lorsque ton corps ne répond pas, il te sera difficile de connaître une croissance dans tout ce que tu fais. Parce que lorsque tu es malade, tu ne peux pas travailler. Lorsque tu es malade, il te sera difficile même de prier. Parce que vous devez comprendre que la prière, au-delà de la communion avec Dieu, la prière est un travail. La prière est un exercice spirituel. Lorsque tu te lèves, tu te mets à genoux, tu pars dans tous les sens. Il faut que tu sois en bonne santé pour être un homme qui sera capable de prier et de chercher la face de Dieu. Ainsi, cela passe aussi par ta capacité à prendre soin de ton corps. Mais malheureusement, aujourd'hui, au milieu des enfants de Dieu, nous sommes tellement concentrés sur la partie spirituelle et on oublie de prendre soin de son corps. Je voudrais dire à quelqu'un, prendre soin de son corps passe aussi en faisant attention à ce que tu manges. Passe aussi en faisant attention aux endroits où tu vas. Il est important important que tu sois un bon médiateur de ton corps, afin que tu sois capable de grandir dans les deux niveaux. C'est ainsi que lorsque le diable attaque les familles, le diable attaque très souvent le domaine des finances et très souvent le domaine de la santé. Alléluia. Le diable attaque souvent le domaine de la santé parce qu'il sait que si tu n'es pas en bonne santé, il te sera difficile de réussir. Je finis en disant ceci, la petite différence qu'il y a maintenant entre la santé spirituelle et la santé physique, vous devez comprendre, enfant de Dieu, que la santé spirituelle permet à un homme d'aller rencontrer les choses que Dieu a prévues pour lui. Tel que tu es venu sur la terre, sache une chose, le logiciel de ta destinée a été imparti dans ton esprit. C'est comme ça qu'il dit à Jérémie, « Je te connaissais depuis le sein de ta mère et je t'avais établi prophète des nations. » Ça veut dire qu'avant qu'il ne vienne sur la terre, le logiciel de la destinée de Jérémie était déjà imparti dans son esprit. En d'autres termes, celui qui veut entrer dans ce à quoi Dieu l'a appelé, il est important qu'il soit capable d'interroger son esprit. Et si tu veux interroger ton esprit, tu dois être capable de connaître ce qu'on appelle la santé spirituelle. Alléluia. Parce que tu n'entres pas en contact avec ce à quoi Dieu t'a appelé par la prière seulement, mais tu entres en contact avec ce à quoi Dieu t'a appelé par la transformation que tu subis à l'intérieur. Ce n'est pas la prière qui nous permet d'abord de recevoir des choses, mais c'est la transformation que tu subis à l'intérieur de toi qui fait en sorte que tu attires les choses qui correspondent à ta destinée. Et maintenant, la petite différence qu'il y a entre les deux, c'est que lorsqu'on parle de la santé physique, les médecins vous diront: quelqu'un qui est en bonne santé présente une certaine stabilité. Le cardio doit fonctionner à une certaine stabilité. Tu dois grandir à une certaine stabilité. Quand tu prends beaucoup trop de poids, il est possible que tu t'exposes à certaines maladies. Il est possible que tu t'exposes à la mort précoce. Les médecins disent qu'il faut que ton corps évolue d'une certaine manière et cela montre et prouve que tu es en bonne santé. Mais lorsqu'on parle de la santé spirituelle, vous devez comprendre que c'est différent. Dieu ne t'appelle pas à être statique lorsqu'on parle de la santé spirituelle. Dieu ne t'appelle pas à être stable lorsqu'on parle de la santé spirituelle. Dieu t'appelle à croître et aller de gloire en gloire. Parce que lorsqu'on parle de la santé spirituelle, Dieu t'attend à un niveau où tu seras capable de manifester certaines choses qui seront en train d'influencer ta destinée. Si la santé physique nous impose une certaine stabilité, la santé spirituelle n'impose pas de stabilité. Elle impose une certaine croissance. Alléluia. Et cette croissance ne vient que par la prière et par le jeûne. C'est ainsi qu'il leur dit que ce type de démon ne part que par le jeûne et par la prière. Parce qu'il y a certains défis auxquels tu ne feras pas face par le niveau que tu as, mais il faudra que tu sois capable de jeûner. Et je finis en disant ceci, la Bible déclare, lorsque tu jeûnes, parfume-toi, revêt tes beaux vêtements. Parce que le jeûne qui plaît à Dieu n'est pas le jeûne où ton hygiène corporelle commence à indisposer les gens autour de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jeûne qui plaît à Dieu, c'est celui où tu te revêts de tes beaux habits, de ton bon parfum, et tu sers le Seigneur et tu cherches la face de Dieu. Alléluia. Voilà en quelque sorte quelques phrases en ce qui concerne la santé physique et spirituelle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, je vais prendre une à deux questions dans la salle et juste après, nous allons évoluer. Une à deux questions dans la salle, s'il y en a. Rapidement, ne soyez pas timides, sentez-vous à l'aise. Une à deux questions dans la salle. Pas de questions? Je crois que tout a été clair. Clair, clair, clair, clair. Si tout a été clair, balance ta main. Que le Seigneur te bénisse. Acclame encore une fois le Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Buona tubariki kotele. Alors on va faire quelque chose. Alors tout à fait. Est-ce qu'on peut tous être debout? Et tu n'auras que ce mami à Dieu. Avant de commencer, je voudrais qu'on fasse quelque chose. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, vous devez comprendre que chaque geste est prophétique. Lorsque tu viens dans un culte de gloire, lorsque tu viens dans un culte prophétique, il est important que tu oublies ton voisin de gauche et de droite et que tu sois prompt à mettre en place chaque geste que l'Esprit de Dieu t'inspire. Et avant de commencer, je voudrais qu'on fasse quelque chose. Parce qu'il existe des gestes qui établissent le règne de Dieu. Et je voudrais que pendant 60 secondes, que nous puissions acclamer royalement le Seigneur et pousser des cris de joie à l'honneur de l'Éternel. Que par tes acclamations, que le ciel soit en train de s'ouvrir. Que par tes acclamations, que le ciel soit en train de te visiter. Que par tes acclamations, que les anges de Dieu se mettent en mouvement. Que par tes acclamations, que tes problèmes soient en train de tomber. Que par tes acclamations, que la terre tremble. Que par tes acclamations, que l'Éternel voie ta situation. Est-ce qu'une sœur peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus? Ah, j'entends un frère exagérer pour Dieu. J'entends une sœur pousser des cris de joie pour l'Éternel. C'est dans l'atmosphère de gloire que les problèmes les plus compliqués rencontrent la solution. Je connais une femme qu'on appelait la femme à la perte de sang. À cause de son problème, on l'a surnommée la femme à la perte de sang. Mais la Bible déclare, lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus, lorsque Jésus passait dans la foule, la Bible déclare qu'elle a touché le pan de Jésus et elle a reçu sa guérison. J'annonce à quelqu'un dans le nom de Jésus que le problème qui a longtemps duré dans ta famille vient de trouver la solution. J'annonce à quelqu'un dans le nom de Jésus que la maladie qui a longtemps duré dans ta famille vient de trouver la guérison. Oh, j'annonce à quelqu'un dans le nom de Jésus que le dossier qui n'a pas eu de réponse, ce soir il y a une réponse qui vient. Ah, j'annonce à quelqu'un que ce soir il y a une réponse qui vient. Ce soir l'Éternel répondra. Alléluia. Reste debout de là où tu es. Esprit de Dieu, règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit, règne, règne. Esprit de Dieu. Yes, come on. Règne, règne. Dans ma vie, Esprit de Dieu, règne. Règne Seigneur, règne Jésus, Esprit de Dieu. Règne Seigneur, règne, règne, règne, règne. Règne Jésus, Esprit de Dieu. Tu règnes. Tu règnes, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, en ces lieux, dans ma vie, tu règnes, oh Esprit. En ces lieux, faire ce chant? C'est ça. Elohim. C'est ça, tu le fais bien. L'esprit de te parler. Pendant une minute, élève ta voix. Dis, Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Yes. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Que l'Esprit de Dieu te parle ce soir. Que l'Esprit de Dieu te parle ce soir. Précieux Saint-Esprit, nous invitons ta présence. Nous invitons ta prééminence. Caro sofrate lebeka. Shekete lebeko radabakaya. Shatendo lo bakandi libikamra atalagida. Feleko japrote levida. Pratande legoje prate levide koje. Palano soprate legoje ateligo. Parando konde lebe shakate lebeko. L'annonce au paracan de l'ébéchakate, paroso prekete l'ébéché, caron de l'ébésco paracan de l'ébéka. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Glorifie Jésus ce soir. Glorifie Jésus ce soir. Et nous te promettons à toi seul la gloire, l'honneur et la majesté pour ce que tu feras en ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Rassois-toi de là où tu es, salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, Seigneur, me fera beaucoup de bien. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je suis très content d'être là. Je bénis le Saint-Esprit, car je crois d'abord que c'est par sa grâce que je me tiens du haut de cette chair. Et la deuxième des choses que je voudrais faire, c'est bénir le Seigneur pour la vie de notre Père. Un homme extraordinaire, un homme formidable. Lorsque nous étions dans son bureau, j'ai senti tout l'amour d'un père. Je crois du plus profond de mon cœur que être un père n'est pas seulement question d'expérience, n'est pas seulement question d'années, mais je crois que c'est un logiciel que Dieu a imparti dans certaines personnes, qui fait en sorte que lorsque vous êtes en face de ces personnes, Vous sentez l'amour. Vous sentez la couverture. Vous sentez la sécurité. Et lorsque j'étais dans son bureau, j'ai senti toutes ces choses. S'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, à honorer la vie de notre père, le pasteur Désiré. Merci beaucoup, papa. Merci pour la grâce. Merci infiniment. Que le Seigneur vous garde pour nous. Alléluia. Vous allez m'excuser, je n'ai jamais su prêcher sans pour autant honorer les serviteurs de Dieu. Si on me donne 30 minutes, il est possible que je prenne 15 minutes en train d'honorer les serviteurs de Dieu. Mais sois rassuré, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je remercie également le Seigneur pour la vie de l'ancien Christian. Que Dieu bénisse abondamment son serviteur, le président David, des hommes formidables que j'ai rencontrés qui portent un grand cœur. Aidez-moi à célébrer ces hommes, s'il vous plaît. Merci infiniment pour votre amour. Merci infiniment. Je bénis également le Seigneur pour la vie des orateurs qui m'ont précédé, le prophète Kevin Mack, le prophète Josias. Ils ont dit tellement beaucoup de choses. À un moment, je me demandais, mais qu'est-ce que je veux dire? Alléluia. Ils nous ont bénis de manière extraordinaire. Aidez-moi à joindre nos mains afin de célébrer la vie de ces hommes extraordinaires. Merci, prophète. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Aidez-moi aussi à célébrer la vie de quelqu'un, mon frère, que j'aime beaucoup. Je le vois dans la salle d'ailleurs, quelque part dans la salle. C'est un homme formidable. Pour la petite histoire, on s'est rencontré avec lui à Lubumbashi au supermarché. Il m'a vu de loin, il est venu, il m'a dit comment tu vas. Ça faisait très longtemps qu'on s'est vu. Il m'a juste salué, après il est parti. Mais j'étais avec quelqu'un à côté de moi. J'ai dit à cette personne, l'Esprit de Dieu m'a dit, bientôt il me parlera d'un programme à Likasi. Je ne lui ai rien dit. Je suis parti à Kolwezi et j'ai commencé à prier. Ce qui va vous choquer, c'est que j'ai commencé à prier pour ce programme alors que je n'avais pas encore reçu d'invitation. Alors que je n'avais pas reçu d'information. J'étais à Kolwezi en train de prier. Parce que Dieu m'a dit, ton frère va bientôt te parler d'un programme à Kolwezi. Et deux semaines après, je crois, il m'appelle au téléphone. Il me dit, non, il y a un grand programme à Likasi. Je voudrais que tu viennes nous bénir. Je dis, mais waouh, Dieu fait des choses extraordinaires. Et je suis venu à Likasi. Je crois du plus profond de mon cœur que si Dieu peut orchestrer des situations comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spirituel qu'il est en train de faire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de fort qu'il est en train de faire. Aidez-moi à célébrer la vie pour mon frère Joy. Que le Seigneur te bénisse. Je suis content de te voir. Et je bénis également le Saint-Esprit pour ta vie, toi qui es là ce soir. Je crois que si tu n'étais pas là, je ne serais pas en train de prêcher aux chaises. Que le Saint-Esprit te visite et qu'il voie ton problème dans le nom de Jésus. J'ai entendu ton amen. J'ai entendu ton amen. Alors prenons une portion des Écritures et nous allons commencer. Nous allons lire le livre de Deux Rois, le chapitre 4. Le verset 1er jusqu'au 7e verset. Deux Rois, le chapitre 4, du 1er verset jusqu'au 7e verset. Et nous lirons un deuxième texte dans Hébreux, le chapitre 13, le verset 8. La Bible déclare, une femme d'entre les femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Aide-moi à dire à ton voisin, qu'as-tu à la maison? Dis-lui, qu'as-tu à la maison? Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui dit, il n'y a point de vase. Et lui, il s'arrêta. Que notre deuxième texte, dans Hébreu le chapitre 13, le verset 8. Hébreu le chapitre 13, le verset 8. La Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui, et éternellement. Je le répète, Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui, et éternellement. Et c'est par là que je voudrais commencer mon message. La première des choses que vous devez comprendre, lorsque vous lisez votre Bible, depuis la nuit des temps, Dieu a puissamment utilisé des hommes. Dieu a puissamment utilisé des femmes. Parce que depuis la nuit des temps, la méthode de Dieu a toujours été les hommes. C'est ainsi que dans Genèse, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Lorsqu'on parle de l'image et de la ressemblance de Dieu, plusieurs personnes se limitent simplement au caractère. Plusieurs personnes se limitent simplement au comportement. L'image et la ressemblance de Dieu ne se trouvent pas seulement dans le caractère et le comportement. L'image et la ressemblance de Dieu se trouvent aussi dans la capacité d'opération. C'est ainsi que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, la première des choses qui se passe, l'Esprit de Dieu vient habiter en vous. N'est-il pas écrit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Parce que la première des choses que l'Esprit de Dieu fait quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. C'est ainsi que la première des choses qu'on remarque lorsqu'une personne a rencontré le Saint-Esprit, c'est le changement du caractère. Tu ne peux pas me dire que tu as rencontré le Saint-Esprit lorsque je ne trouve pas la patience en toi. Tu ne peux pas me dire que tu as rencontré le Saint-Esprit lorsque je ne trouve pas l'humilité en toi. Tu ne peux pas me dire que j'ai rencontré le Saint-Esprit lorsque je ne trouve pas la tempérance en toi. Parce que la première des choses que l'Esprit de Dieu commence à faire, afin d'agir au travers de toi, l'Esprit de Dieu agit au-dedans de toi. C'est comme ça que lorsque vous regardez tous les réveils spirituels dans lesquels où Dieu a puissamment utilisé les hommes, avant d'agir au travers de ces personnes, l'Esprit de Dieu agissait à l'intérieur de ces personnes. Avant que Dieu ne commence à marcher avec toi, avant que l'Esprit ne commence puissamment à t'utiliser, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il travaille en toi. C'est comme ça que nous sommes le corps et le temple du Saint-Esprit. Parce qu'au travers de la personne du Saint-Esprit, on peut voir le caractère de Dieu. On peut voir le comportement de Dieu. On peut voir le cœur de Dieu. C'est la première dimension qu'il fait. Mais la deuxième dimension qui se passe, au-delà de reposer en nous, l'Esprit de Dieu repose aussi sur nous. Et ça, c'est la dimension de l'opération. Une personne qui a rencontré le Saint-Esprit doit manifester ces deux dimensions. L'Esprit de Dieu qui vit en toi et l'Esprit de Dieu qui repose sur toi. Parce que l'Esprit de Dieu qui repose sur toi, c'est la dimension de l'onction. C'est la manifestation des dons spirituels. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient, il ne vient pas seul. Il vient avec des charismes. Il vient avec des dons. Il vient avec des biens. Afin que l'homme soit capable de manifester Dieu sur la terre. Afin que l'homme soit capable d'opérer comme Dieu sur la terre. J'annonce à quelqu'un dans cette salle, que l'Éternel est en train d'élever une génération des hommes et des femmes qui vont puissamment servir le Seigneur. Alors que je préparais ce message, je priais pour la terre de l'Ikasi, je priais pour la jeunesse de l'Ikasi, et je sentais dans mes entrailles quelque chose bouger, et j'ai compris que l'Éternel était en train d'élever une génération des hommes et des femmes qui vont puissamment servir le Seigneur. Je parle à un jeune ce soir que Dieu sera en train d'impacter afin d'amener à une autre dimension. Je crois qu'il est temps de changer les choses dans cette génération. La Bible déclare: dans les derniers temps je répandrai de mon esprit sur toute chair. La Bible commence de manière croissante. Elle parle des jeunes qui prophétiseront. Elle parle des vieux qui auront des sons. En d'autres termes, dans les derniers temps, la première des choses que l'Esprit de Dieu fait, c'est qu'il agit par le prophétique afin de sauver cette génération. Et la deuxième des choses qu'il fait, c'est qu'il donne la prééminence à la jeunesse. Est-ce que je parle à un jeune ce soir? Que le Seigneur sera en train d'élever. Que le Seigneur sera en train d'élever. Que le Seigneur sera en train d'amener un autre niveau. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous, il dépose les charismes et les dons. C'est ainsi qu'il est important, enfant de Dieu, que vous puissiez comprendre: quand l'Esprit de Dieu se manifeste, il n'emmène pas qu'un homme à prophétiser. Lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste, il t'emmène à être excellent dans le couloir de ton appel. Il t'emmène à être excellent dans le secteur de ton activité. C'est ainsi que lorsque le réveil spirituel se manifeste, le réveil spirituel ne touche pas que le domaine ministériel. Le réveil spirituel ne touche pas que l'église. Le réveil spirituel touche aussi la nation. Le réveil spirituel touche aussi la politique. Le réveil spirituel touche aussi l'économie. Il y a des personnes ici que Dieu ne va pas utiliser dans le ministère, mais il y a des personnes ici que Dieu va utiliser dans la politique. Il y a des personnes ici que Dieu va élever dans les affaires, afin que ces personnes soient en train de témoigner la seigneurie de Christ. Parce que la gloire et l'onction de Dieu ne repose pas sur un homme seulement pour prophétiser. Il est possible que tu sois assis dans la politique, mais avec l'onction de Dieu. Il est possible que tu sois assis dans les affaires, mais avec l'onction de Dieu. Il est possible que tu sois assis dans la famille, avec l'onction de Dieu. Parce que l'onction de Dieu rend excellent un homme dans le secteur de son activité. Ma prière est le vœu de mon cœur que l'Esprit de Dieu te rende excellent dans le secteur de ton activité. Dans le nom de Jésus, je vois des femmes ici que le Seigneur sera en train d'élever comme des voix dans cette génération, qui parleront devant les chefs d'État, qui parleront devant les juges, qui parleront devant les hommes élevés, qui parleront devant les nations, qui seront comme des Daniel avec l'onction prophétique. Mais à côté des rois, il voit des visions. Il voit des visions, mais il est à côté des rois. La Bible déclare que Daniel avait reçu un esprit supérieur. Ma prière est le vœu de mon cœur que le Seigneur reprenne un esprit supérieur dans la vie de quelqu'un ce soir, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Lorsque l'onction de Dieu se manifeste, l'onction de Dieu te rend excellent dans le secteur de ton activité. Parce que depuis toujours, la méthode de Dieu a toujours été les hommes. Et mon sous-thème ce soir, c'est le Dieu de l'actualité. Dis-le très bien, le Dieu de l'actualité. Dis-le plus fort, le Dieu de l'actualité. Dis-le plus fort, le Dieu de l'actualité. Et c'est par là que je voudrais véritablement commencer mon message. La première des choses que vous devez comprendre, lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste, il reprend une dispensation à chaque saison de l'église. Il reprend une dispensation bien particulière. Et la dispensation que l'Esprit de Dieu reprend met une emphase sur une dimension bien particulière. C'est comme ça que lorsque vous lisez votre Bible, lorsque vous étudiez l'histoire des réveils, vous allez remarquer avec moi qu'à chaque fois que l'Éternel a envoyé un puissant réveil, dans ce réveil-là, l'Éternel a mis mis de l'emphase sur une dimension bien particulière. C'est comme ça que vous allez voir des réveils où l'Éternel a puissamment utilisé des hommes dans la prophétie. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu ne descend pas parce que des hommes ont prié seulement. Mais l'onction de Dieu descend parce qu'il y a un besoin que Dieu veut combler au milieu du peuple. C'est comme ça que dans chaque dispensation, l'Esprit de Dieu mettait une emphase sur une dimension bien particulière. Il y a des réveils où Dieu a puissamment utilisé des hommes dans la guérison divine. Il y a des réveils où Dieu a puissamment utilisé des hommes dans le domaine de la délivrance. Parce que chaque dispensation répond à un besoin qui se trouve dans cette génération. Mais lorsque je regarde ma génération, les défis sont beaucoup plus élevés. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, tu ne peux pas dire que l'Éternel te rend comme Aïdina Abal. Parce que les défis de cet homme sont différents de celles de notre génération. Dans notre génération, nous avons le défi de l'intelligence artificielle. Dans notre génération, nous avons le défi de la politique. Dans notre génération, nous avons le défi de la technologie. Ça veut dire que si nous devons prier, nous devons dire à Dieu, même selon les défis de notre génération, parce que les défis sont élevés, l'intelligence artificielle a pris un autre niveau. Aujourd'hui, un homme qui ne marche pas, on peut lui mettre un pied bionique afin qu'il soit capable de marcher. Aujourd'hui, une femme qui n'enfante pas, avec la technologie, c'est possible qu'elle enfante. Alors nous devons prier et dire à l'Éternel, donne-nous des choses qui feront en sorte que lorsqu'ils vont regarder, ils diront ça c'est le doigt de Dieu. Ils diront ça c'est le doigt de Dieu. Ils diront que ça ne peut que venir de l'Éternel. Que Dieu nous donne des choses qui vont défier la science, qui vont défier la technologie, qui vont défier les lois de la politique. Que Dieu nous donne une onction authentique qui fera taire les contestations. Qui fera taire les contestations? Parce qu'à chaque fois que Dieu reprend une dispensation, Dieu met de l'emphase sur une dimension bien particulière. La deuxième des choses que Dieu fait, c'est que Dieu fait avec chacun quelque chose qu'il n'a pas fait avec les autres. C'est ainsi que lorsque vous lisez votre Bible, à chaque fois que Dieu a appelé un homme, à chaque fois que Dieu a appelé une femme, il a fait avec cette personne des choses qu'il n'a pas fait avec les autres. Lorsque vous regardez votre Bible, avant Moïse, personne n'avait eu la capacité de déchirer la mer en deux. Parce que lorsque Dieu appelle son serviteur, il fait quelque chose avec lui qu'il n'a pas fait avec les autres. Lorsqu'il appelle Élie le prophète, avant le prophète, il n'y avait personne qui avait eu la capacité de faire descendre le feu par la prière. Lorsque vous regardez la vie de Jésus, lorsque l'Éternel le Père utilise son fils sur la terre, la Bible nous montre que cet homme a marché sur les eaux. Parce que Dieu faisait avec lui quelque chose qu'il n'a pas fait avec les autres. Tu nous dis que tu es loin. Tu nous dis que tu as l'onction. Mais quels sont les signes que Dieu fait avec toi qu'il n'a pas encore fait avec les autres? Parce que c'est ça qui nous prouvera réellement que tu as rencontré le feu de Dieu. C'est ça qui nous prouvera réellement que tu as eu une expérience avec le puissant. Alléluia. À chaque fois que Dieu appelle un homme, il fait des choses spéciales avec cette personne, différentes de celles qu'il a fait avec les autres. C'est ainsi que Jésus va marcher sur les eaux. J'aime une chose, enfant de Dieu. Jésus vient faire taire les contestations. Là où Moïse déchire la mer en deux, Jésus marche sur les eaux. Parce que lui n'a pas besoin de déchirer la mer en deux. Lui, il marche au-dessus du défi qui se présente. Ah, j'annonce à quelqu'un que Jésus sera en train de te faire marcher au-dessus du défi que tu rencontres. Parce qu'à chaque fois que Dieu appelle des hommes et des femmes, Dieu fait des choses nouvelles avec ces personnes qu'il n'a pas fait avec les autres. La troisième des choses qu'il faut comprendre, lorsque l'Éternel envoie une dispensation, Dieu n'élève pas tout le monde, mais Dieu élève une personne par laquelle les autres seront élevés. Je vais le redire. Lorsque l'Esprit de Dieu envoie une dispensation, Dieu n'élève pas tout le monde, mais Dieu élève une personne par laquelle les autres seront élevés. Voilà pourquoi lorsque tu vois l'élévation de ton frère, célèbre le Seigneur. Parce que de la même manière qu'il a élevé cet homme, il est possible que tu sois aussi élevé par son élévation. Alléluia. Parce que lorsque Dieu reprend une dispensation, Dieu n'élève pas tout le monde. C'est l'exemple de Joseph et de ses frères. La Bible déclare qu'il va commencer à voir des songes. Oui, il voyait l'Éternel l'élever au milieu de ses frères. Et la Bible déclare que ses frères ont eu de la haine lorsqu'ils entendaient ses visions, lorsqu'ils entendaient ses songes. Et il fut vendu par ses frères. Mais ce que ses frères ne savaient pas, qu'un jour il y aurait de la famine. Et par l'élévation de leurs frères, ils seraient épargnés de la disette. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque l'Éternel élève ton frère, célèbre l'élévation de ton frère. Parce que la gloire que tu acclames est celle qui te réclame. La gloire que tu honores est celle qui va aussi t'honorer. Parce que vous devez comprendre, enfant de Dieu, dans le monde spirituel, il existe ce qu'on appelle la loi de l'honneur. La loi de l'honneur exige que tu sois capable d'honorer une personne que Dieu a élevée. Et celui que tu honores, la même grâce qu'il a élevée fera aussi en sorte que tu sois élevé. Il faut beaucoup de maturité spirituelle pour dire que cette personne est notre étoile que Dieu nous a donnée. Il faut beaucoup de grand cœur pour dire que cette personne est l'étoile que Dieu nous a donnée. Est l'étoile que Dieu nous a donnée. Et vous devez comprendre, enfant de Dieu, lorsqu'on parle de la dispensation de la grâce, la gloire qui accompagne les fils est conséquence de l'honneur qu'ils accordent à ceux qui les ont précédés, qui sont les pères. Lorsque les fils ne savent pas honorer les pères qui nous ont précédés, il leur sera difficile de conserver l'onction qu'ils ont reçue. C'est comme ça que dans ma génération, on a du mal à conserver l'onction que nous avons reçue de nos pères. Parce qu'il y en a très peu qui savent célébrer les pères. Lorsque tu es dans la maison et que tu n'as pas la capacité d'honorer l'onction de notre Père, il te sera difficile de connaître une ascension spirituelle. Parce que c'est la loi de l'honneur qui fait en sorte que l'onction que tu as reçue des pères, que tu la conserves et que tu la fasses grandir. Et lorsqu'on parle de la loi de l'honneur, la loi de l'honneur ne se trouve pas seulement dans la capacité de donner des offrandes. La loi de l'honneur ne se trouve pas seulement dans la capacité à être partenaire. Mais la loi de l'honneur se manifeste aussi par l'intérêt que tu accordes à l'œuvre du Père. La loi de l'honneur se manifeste aussi par l'intérêt que tu accordes à l'œuvre que le Père est en train de bâtir. Voilà pourquoi lorsque tu viens à la chorale et que tu chantes chaque dimanche, tu es en train d'honorer le Père. Lorsque tu viens chaque mercredi pour prier à l'intercession, tu es en train d'honorer le Père. Lorsque tu viens chaque mardi pour participer aux réunions du département du protocole, tu es en train d'honorer le Père. Parce que la loi de l'honneur ne se manifeste pas seulement dans les offrandes, mais la loi de l'honneur se manifeste aussi par l'intérêt que tu accordes à l'œuvre que le Père est en train de bâtir. Et c'est cette onction-là qui fait en sorte que nous puissions conserver l'onction que les pères nous ont donnée. Alléluia. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, je soupçonne Dieu de me faire du bien ce soir. Dis-lui, je soupçonne Dieu de me faire du bien ce soir. Alors quelqu'un se poserait la question, mais homme de Dieu, tu parles du Dieu de l'actualité. Comment vivre et expérimenter le Dieu de l'actualité? Comment vivre et expérimenter le Dieu de l'actualité? La première des choses qui nous permettent de vivre et d'expérimenter le Dieu de l'actualité, c'est la foi. Dis avec moi la foi. Dis avec moi la foi. Dis avec moi la foi. La Bible déclare que la femme, lorsqu'elle va obéir aux instructions du prophète, la Bible déclare qu'elle va prendre les bols d'huile. Et la Bible dit que l'huile va commencer à couler. L'huile était en train de couler. Mais lorsqu'il n'y avait plus de vase, l'huile s'arrêta. Parce que là où ta foi s'arrête, c'est là que se trouvent les limites de Dieu. Parce que là où ta foi s'arrête, c'est là que se trouvent les limites de Dieu. Vous devez comprendre, enfant de Dieu, la foi n'est pas que la capacité de croire en Dieu. Mais la foi est une monnaie d'échange dans le monde spirituel. La foi est une monnaie d'échange dans le système de Dieu. C'est ainsi qu'il est écrit dans le livre de Matthieu, le chapitre 21, le verset 22. L'Éternel dit, tout ce que vous demanderez avec la foi, par la prière, vous le recevrez. Or, dans le système de Dieu, il n'y a pas d'achat. Dans le système de Dieu, il n'y a que des demandes. Je m'explique. Lorsque tu vas dans un magasin et que tu as besoin d'avoir quelque chose, tu dois payer cela. Tu payes parce que cela ne t'appartient pas. Tu payes parce que cela n'est pas ton objet. Il faut de l'argent pour acheter la chose afin qu'elle devienne ta propriété. Mais dans le système de Dieu, il n'y a pas d'achat. Dans le système de Dieu, il n'y a que des demandes. Pourquoi? Parce que nous sommes cohéritiers avec Christ. En d'autres termes, les enfants de Dieu n'achètent pas. Les enfants de Dieu demandent. Mais cette demande ne se fait sans rien. Cette demande se fait accompagnée de la foi. Parce que la foi est l'une des monnaies d'échange qui existe dans le système de Dieu. Et parmi ces monnaies d'échange, il y en a plusieurs. Lorsque tu prends ton portefeuille, tu vas te rendre compte d'une chose. Il y a des billets qui peuvent te permettre d'acheter un ordinateur. Mais il y a aussi des billets qui peuvent te permettre seulement de prendre le transport. Parce que c'est la quantité du billet qui détermine la grandeur ou la quantité des choses que tu vas acheter. Ainsi, dans le système de Dieu, il y a aussi des monnaies d'échange. L'une des monnaies d'échange, c'est la foi. Il existe aussi une autre monnaie d'échange qu'on appelle la soif de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs. Parce que lorsqu'on parle d'aspirer, on parle de la dimension de la foi. On parle de la dimension de la foi. La soif de Dieu a la capacité de permettre à un homme de recevoir des grâces, de recevoir de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu viens dans un culte et que tu n'as pas la foi, tu n'as pas la soif, il te sera difficile de recevoir quelque chose de Dieu. Parce que la Bible déclare, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Lorsqu'on parle de rémunérateur, on parle de quelqu'un qui donne. Lorsqu'on parle de rémunérateur, on parle de quelqu'un qui récompense. Et la Bible déclare, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Les Écritures ne disent pas qu'il est le rémunérateur de ceux qui cherchent la rémunération. Mais il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. Ça veut dire lorsque tu viens dans la présence de Dieu, quand tu cherches l'Éternel, quand tu cherches son cœur, il y a quelque chose que tu seras en train de recevoir. Il y a une grâce particulière que tu seras en train de recevoir. Parce que ceux qui cherchent le cœur de Dieu reçoivent de Dieu. C'est ainsi que la Bible déclare que Jean était le disciple que Jésus aimait beaucoup. Mais la Bible nous montre aussi une chose, que Jean avait l'habitude de se coucher sur la poitrine de Jésus, là où se trouvaient les cœurs. Parce que celui qui se couche sur la poitrine du maître coule dans les révélations prophétiques. Celui qui se couche sur la poitrine du maître coule dans les révélations prophétiques. C'est ainsi que ceux qui viennent dans la présence de Dieu et cherchent le cœur de Dieu sont des personnes qui coulent dans la révélation. Parce que l'Éternel ouvre son cœur et leur donne ses secrets. Et leur donne ses secrets. Parce qu'il ne donne ses secrets qu'à des personnes qui sont intimes. Qu'à des personnes qui sont intimes. La foi est une monnaie d'échange dans le système de Dieu. Mais j'aime une chose, et c'est une parenthèse que j'ouvre. Il existe une monnaie d'échange qui a la capacité de crier pendant plusieurs générations après même que celui qui l'a bâti soit parti. Et l'une de ces monnaies-là, c'est ce qu'on appelle l'autel. C'est comme ça que vous allez voir dans certaines familles. Il y a un homme qui a bâti un autel et qui a déclaré sur l'autel que tous ceux qui naîtront dans cette famille seront des hommes riches. Et tous ceux qui naissent dans cette famille sont des hommes prospères, sont des hommes qui marchent avec Dieu, sont des hommes qui connaissent la grâce de vivre dans l'abondance financière. Parce qu'il y a un homme qui a bâti un autel. L'autel est l'une des monnaies dans le système de Dieu qui permettent de vivre la grâce même après la mort de celui qui l'a bâti. C'est ainsi que j'aime le Fils de l'homme. C'est ainsi que j'aime le général de Capernaum. La Bible déclare qu'il est monté à la croix. Il est monté à la croix. Et la Bible déclare, lorsqu'il est mort, il a dit, tout est accompli. Parce que la croix est l'autel le plus puissant qui a été bâti jusqu'à aujourd'hui. Par la croix, tu as la richesse. Par la croix, tu as la bonne santé. Par la croix, tu as la gloire. Par la croix, tu as le succès. Par la croix, tu as la force. Parce que l'autel de Jésus est l'autel le plus puissant qui crie jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. L'autel est un monnaie d'échange. Est une monnaie d'échange dans le système de Dieu. C'est ainsi que les apôtres, lorsqu'ils marchent avec Jésus, ils demandent deux choses à Jésus, papa. Ils disent à Jésus, apprends-nous à prier et augmente-nous la foi. Quand vous lisez votre Bible, la marche des disciples et de Jésus, il y a deux demandes qu'ils font. Ils disent, apprends-nous à prier et augmente-nous la foi. Parce qu'ils ont résolu que les résultats qui opéraient avec cet homme étaient conséquence de la maîtrise de la foi. Et de sa foi, oh mon Dieu, était la maîtrise de la foi. Était la maîtrise de la foi. Et de la prière. Et de la prière. C'est pour ça qu'ils disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Or, ce que les apôtres ne savaient pas, c'est que Jésus connaissait le Père. Il leur parlait tellement du Père. À telle enseigne qu'ils ont dit, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il leur a dit, celui qui a vu, qui m'a vu, a vu le Père. Or, c'est la connaissance de Dieu qui détermine la foi que tu auras. C'est pour ça qu'il est écrit, or la foi vient de ce qu'on en entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, la qualité de la révélation que tu as de la parole de Dieu détermine la quantité de foi que tu auras. Oh, je le répète, la qualité de la révélation que tu as de la parole de Dieu détermine la quantité de foi que tu vas manifester. C'est comme ça que Jésus avait la foi de dire à Lazare, qui est mort depuis 4 jours, sors, sors, parce qu'il savait que le Père allait toujours l'exaucer. C'est la connaissance de Dieu qui détermine la quantité de foi que tu vas manifester. Parce que ta foi n'ira jamais au-delà de la connaissance que tu as. Alléluia. Ta foi n'ira jamais au-delà de la connaissance que tu as. Alléluia. C'est comme ça qu'on fait une différence dans les Écritures. Avec le serpent des reins et la nouvelle alliance. La Bible déclare, lorsque ceux qui le regardaient, qui étaient malades, pouvaient recevoir la guérison. Ils pouvaient recevoir la guérison. Mais j'aime Jésus. Jésus change le système. Parce que je me pose la question. Alors pour ceux qui étaient aveugles, pour ceux qui étaient aveugles, parce que si la condition était de voir et de recevoir la guérison, alors pour ceux qui étaient aveugles, comment ils faisaient? Mais j'aime une chose. Jésus change le système. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Parce que dans le système de Dieu, on n'entend pas qu'avec les oreilles. Dans le système de Dieu, on n'entend pas qu'avec les oreilles. C'est possible d'entendre avec les yeux. C'est possible d'entendre avec les sens que tu ressens dedans de toi. Ainsi il dit la foi vient de ce qu'on entend. Parce qu'il ne parle pas de la capacité de recevoir des informations au niveau de tes oreilles. Mais il parle de la capacité d'écouter la parole de Dieu par tous les canaux par lesquels Dieu peut s'adresser à toi. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Jésus est extraordinaire. Jésus est extraordinaire. Je suis en train de courir. La deuxième des choses qui nous permettent d'expérimenter le Dieu de l'actualité, c'est l'obéissance aux instructions de Dieu. Alléluia. Des fois, le miracle n'est pas toujours un événement surnaturel tant attendu qui va se produire. Mais des fois, le miracle est une évidence liée à la mise en pratique d'une instruction. Je vais le redire. Des fois, le miracle n'est pas un événement surnaturel qui va se manifester, dont tu ne connais pas la provenance. Mais des fois, le miracle est une évidence liée à l'exécution ou à la mise en pratique d'une instruction que Dieu te donne. C'est comme ça que la femme, lorsqu'elle entend le prophète lui dire, va chez tes voisins, prends des vases lorsqu'elle l'exécute, elle reçoit son miracle. Parce que des fois, le miracle n'est pas toujours un événement surnaturel. Donc, tu ne connais pas la provenance. Mais c'est une évidence liée à la mise en pratique d'une instruction que Dieu te donne. Alléluia. C'est le cas de Naaman avec sa lèpre. Il va voir le prophète pour recevoir la guérison. Mais le prophète lui dit, va te jeter dans le Jourdain. Jette-toi autant de fois. Et lorsqu'il l'exécute, il reçoit son miracle. Parce que des fois, le miracle se trouve dans les instructions que tu mets en pratique lorsque tu les as reçues de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis très bien Amen. Alléluia. Alléluia. J'aborde mon dernier point. Alléluia. La troisième des choses sur laquelle l'Esprit de Dieu est en train de m'enseigner, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, que j'ai affectionné d'ailleurs. La troisième des choses, suis-moi attentivement. Si tu as oublié les autres, écoute attentivement celui-ci. La Bible déclare, lorsqu'elle va écouter les instructions du prophète, elle va fermer la porte sur elle. Elle va fermer la porte sur ses enfants. Parce que la troisième des choses qui nous permettent d'expérimenter le Dieu de l'actualité, c'est ta capacité à fermer la porte. Je vais vous expliquer. Alléluia. Fermer sa porte, c'est tourner le dos au diagnostic des hommes afin de se concentrer sur la vérité de la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il est écrit. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Dans le même texte de base, on parle d'une femme qui n'avait pas d'enfant. Et la Bible déclare, lorsque le prophète avait l'habitude de passer par là, la Bible dit que la femme va dresser une chambre haute où le prophète avait l'habitude de se réveiller. Alors qu'elle n'avait pas d'enfant, le prophète va prier afin que la femme ait un enfant. Plus tard, l'enfant aura un enfant. Mais la Bible nous dit, lorsque le prophète partira, alors que l'enfant jouait avec son père, il ne se sentait pas bien. Le père dira à son serviteur, ramène l'enfant à sa mère. Et lorsque l'enfant va rentrer vers sa mère, il va mourir entre les mains de sa mère. Et la Bible déclare que la femme prendra l'enfant, va déposer l'enfant à la chambre haute où le prophète était en train de dormir. La Bible déclare que la mère déposera l'enfant mort à la chambre haute où le prophète était en train de dormir. Et la Bible nous dit qu'elle ferma la porte sur l'enfant. Et lorsqu'elle sort, on lui pose la question, mais où est-ce que tu vas? Elle dit, je veux voir le prophète. Son mari lui dit, mais est-ce qu'il y a un problème? Elle répond, tout va bien. Alors qu'elle avait un problème, elle répond, tout va bien. Elle répond, tout va bien. Lorsqu'elle arrive chez le prophète, la Bible déclare que le prophète du haut de la montagne voit la femme en train de venir. Il envoie son serviteur Géasi. Va voir l'enfant. Va voir la femme. Demande-lui comment elle va. Comment va son enfant? Et la Bible déclare, le prophète est descendu. Le prophète pose la question à la femme. La femme répond encore, tout va bien. La femme répond encore, tout va bien. Tu sais ton problème, tu n'arrives pas à expérimenter le miracle parce que tu as l'habitude de raconter ton problème à tout le monde. La Bible déclare, lorsqu'elle arrive devant le serviteur, elle répond, tout va bien, alors qu'elle avait un problème. Or, dans le système des hommes, lorsque tu vas voir une autorité dans l'administration, au niveau politique et même au niveau ecclésiastique, quand tu rencontres l'autorité, tu es reçu par la secrétaire. La secrétaire te pose la question, comment t'appelles-tu? On prend ton numéro de téléphone, on prend ton adresse et on pose aussi la question, pour quel motif es-tu venu voir le chef? Parce que c'est le motif qui détermine ton entrée au bureau du chef. Mais je suis étonné, la femme arrive devant le secrétaire, elle répond, tout va bien. C'est quel motif où tu vas voir un prophète en disant que tout va bien? Or, lorsqu'on va voir un prophète, on va voir un prophète parce qu'on a un problème. Parce qu'on a un problème. Mais elle répond, tout va bien. J'aime l'attitude de la femme. Cette femme est prophétique. Cette femme est spirituelle. Parce qu'elle sait que Géasi a le CV de Élisée. Géasi connaît tous les miracles que Élisée est capable d'accomplir. Ça veut dire que si la femme raconte son problème à Géasi, elle risquerait d'être découragée dans sa foi. Parce que Géasi lui dira, Celui que tu viens voir n'a jamais ressuscité des morts. Elle sera découragée et elle va rentrer. Mais j'aime l'attitude de la femme. Elle trouve Géasi. Elle dit tout va bien. Parce que lorsque tu as l'aube d'expérimenter un grand miracle, tu ne dois pas raconter ton problème à tout le monde. Il y a des personnes, même si tu leur dis que actuellement je n'ai pas d'enfant, ils ne vont pas donner d'enfant. Il y a des gens, même si tu leur dis actuellement je n'ai pas d'argent, il ne te donnera pas d'argent. Parce qu'il y a des choses qui ne nécessitent pas d'avoir une oreille. Mais il y a des choses qui ont besoin de la main. Le problème que tu as n'a pas besoin d'oreille. Le problème que tu as a besoin de la main. Une main qui doit se produire. Une main qui doit agir. La Bible déclare, elle est devant Géasi. Elle répond, tout va bien. Elle répond, tout va bien. Alors qu'elle avait un problème. Parce qu'il y a des choses qu'on ne raconte pas à tout le monde. Et lorsqu'elle monte, elle arrive chez les prophètes. Je suis en train de finir. Elle arrive chez le prophète. Le prophète lui dit, la femme se jette au pied du prophète. Le prophète dit, Géasi, laisse-la. Elle a un problème. Ça veut dire que lorsque le prophète l'a vue en train de venir, le prophète n'avait pas vu qu'elle avait un problème. C'est quand la femme arrive devant le prophète que le prophète constate que la femme a un problème. Quand pour dire, Élisée, tu avais la capacité de prier afin qu'elle enfante. Mais en ce qui concerne la résurrection des morts, c'est le domaine de celui qui est descendu en bas et qui est remonté avec la clé du séjour des morts. C'est lui qui a la capacité de ramener à la vie ceux qui sont morts. Même le prophète n'a pas vu que cette femme avait un problème. C'est plus tard qu'il arrive à percevoir que la femme avait un problème. Et la Bible déclare, le prophète dit à son serviteur, cours, ne salue personne en route. Prends ton bâton, va imposer à l'enfant. Lorsque tu es sur le point d'expérimenter un grand miracle, tu ne dois pas t'adresser à tout le monde. Tu ne dois pas saluer tout le monde. Le prophète dit à son serviteur, va, cours, ne salue personne. Impose le bâton à l'enfant, afin qu'il se réveille. Et la Bible déclare, Géasi part. Si c'est les liens des familles, Géasi impose, l'enfant ne se réveille pas. Le prophète scelle ses reins. Il court, il monte à la chambre haute lui-même. Et la Bible déclare que le prophète arrive. Il arrive, il arrive, il prie. Rien ne se passe. Il prie. Rien ne se passe. La Bible déclare que le prophète s'allonge sur la femme et sur l'enfant. On ne donne que ce qu'on a. Il s'allonge sur l'enfant. Quand pour lui transmettre la vie, la Bible déclare que l'enfant se réchauffa seulement. Parce que des fois, tu as prié pour un problème. Au lieu que le problème change, le problème a simplement bougé. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu as prié pour un problème, au lieu que le problème change, le problème a simplement bougé. Continue à prier parce que la solution est sur le point d'arriver. C'est ainsi qu'il est écrit, persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. On ne persévère pas quand tout va bien. Le signe de la persévérance, c'est la souffrance. Si une personne te dit qu'elle persévère, ça veut dire que les échecs qu'elle connaît, elle continue quand même à avancer. Si une personne te dit qu'elle persévère, ça veut dire que malgré la mort dans sa famille, elle avance. Si une personne te dit qu'elle persévère, ça veut dire que malgré les problèmes, elle avance. Parce que la persévérance est la clé de la gloire. La Bible déclare, persévérez dans la prière. Parce que Dieu sait qu'il y a des moments où tu vas prier. Il n'y aura pas de solution. Il y aura simplement un changement. Mais la Bible dit, persévérez, persévérez. La Bible dit que lorsque l'enfant se réchauffa, le prophète a commencé à aller ça et là. Il a commencé à aller ça et là. Il a commencé à aller ça et là. J'imagine, papa, si nous étions à l'époque actuelle, au 21e siècle, sûrement que Élie, lorsqu'il allait ça et là, il a commencé à prier en notre langue. Il a commencé à prier. Rabakatoshe, Parokotoboka, Lakapayakata, Dieu des alliances, Jakatabaya, Kalabakopaya. La Bible dit que Élie allait ça et là. Il était en train de prier. Jekaparato, Perakatoba, Shakapayata, Rakatebeka, Jekapayata, Repepepepe. La Bible dit Élie priait. Élie priait. Élie priait. Shakapayo, Reketelebeko, Shakapakato, Rakatebeka, Lakabaya. La Bible dit il priait. Alors qu'il priait, la Bible dit l'enfant a éternué une seule fois. Il ne s'est pas réveillé. La deuxième fois, il ne s'est pas réveillé. La cinquième fois, il ne s'est pas réveillé. Mais la Bible déclare, à la septième fois, l'enfant se réveilla. Parce que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. La Bible déclare, à la septième fois, l'enfant se réveilla. L'enfant reprit vie. L'enfant reprit vie. La Bible déclare, le prophète est sorti avec l'enfant. Il a donné à la femme, prends ton enfant, prends ton enfant. Il est vivant. Je voudrais dire à quelqu'un, la solution se trouve dans la chambre haute. La solution se trouve dans la chambre haute. Nous avons beaucoup de gens qui ont des fils devant le bureau du pasteur, mais les chambres hautes sont vides. Beaucoup de gens au bureau du pasteur, mais les chambres hautes sont vides. Les chambres hautes sont vides. Dieu t'appelle ce soir à revenir dans la chambre haute. À revenir dans la chambre haute. À revenir dans la chambre haute. Et la Bible déclare, lorsque l'enfant s'est réveillé, le prophète est sorti. Il a dit, prends ton enfant. Prends ton enfant. Parce que même lui qui était prophète, il a dû gémir en prière jusqu'à ce que l'enfant se réveille. La Bible déclare, lorsqu'ils étaient à la chambre haute, ils sont montés d'ordinaire. Mais c'est que j'aime, lorsqu'ils sont sortis, ils ont reçu l'extraordinaire. La Bible déclare qu'ils étaient en train de prier à coup. Lorsque vous lisez ce texte, vous avez l'impression que les apôtres ont juste prié pendant 10 minutes. Et puis les langues de feu sont descendues. J'imagine qu'ils avaient prié pendant longtemps. Parce que ce sont dans les longues heures de prière que la gloire de Dieu se manifeste. Que la gloire de Dieu se manifeste. Je voudrais dire à quelqu'un, 10 minutes de prière ne suffit pas. Il faut que tu pousses. Parce que lorsque la femme est sur le point d'enfanter, elle pousse. Elle pousse. Elle pousse. Elle pousse. Jusqu'à ce que l'enfant sorte. Il y a des personnes ici qui doivent enfanter leur destinée ce soir. Il y a des personnes ici qui seront enfantées dans la puissance. Dieu m'a dit, je suscite une génération, des hommes et des femmes qui seront engendrés dans la puissance, qui vont puissamment servir le Seigneur, qui vont puissamment opérer avec Dieu. Et Dieu m'a dit, ces personnes sont dans cette salle. Mais il faut qu'ils prient afin d'expérimenter la gloire de Dieu. Tiens-toi debout de là où tu es. Oh Rabaha. Oh Rakate. Oh Dieu des esprits des prophètes. Nous sommes en train de finir. Il y a une gloire bizarre qui va nous visiter ce soir. Il y a une gloire bizarre qui va nous visiter ce soir. Alors que je préparais ce moment, j'ai senti le poids de la gloire. Et Dieu m'a dit, je suscite une génération, des hommes et des femmes qui vont puissamment opérer avec Dieu, qui vont puissamment marcher avec Dieu. Et ces personnes sont dans cette salle. Pendant 5 minutes, je voudrais que nous puissions prier et dire à Dieu, Seigneur, montre-nous ta gloire. Lorsque la gloire de Dieu descend dans ta vie, tu arrives dans une dimension dans laquelle tu ne forces plus les choses. Parce que la gloire de Dieu remet de l'ordre dans ta vie. Quelqu'un qui marche avec la gloire n'a plus besoin des relations pour réussir dans les affaires. Parce que la gloire fait tout le travail. Quand la gloire de Dieu est dans ta vie, tout ce que tu touches connaît le succès. Quand la gloire de Dieu est dans ta vie, tes enfants prospèrent à l'école. Quand la gloire de Dieu est dans ta vie, la santé spirituelle et physique est en partage. Nous allons prier en battant des mains. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, donne-nous ta gloire. Donne-nous ta gloire. Donne-nous ta gloire. Pendant 5 minutes, je voudrais que tu oublies ton voisin de gauche et de droite et que tu parles à Dieu. Que tu parles à Dieu. Je crois du plus profond de mon cœur qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Tu vas prier et dire à Dieu, Seigneur, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Est-ce que tu peux commencer à prier? Montre-moi ta gloire. Yes. Yes. Je veux entendre les voix s'élever dans la salle. Yes. Joue à un certain niveau. Après, je te dirai de monter. Mais je veux entendre les voix s'élever dans la salle. Élève ta voix. Élève ta voix. Yes. Il y a un esprit de prière qui va descendre dans la salle. Il y a un esprit de prière qui descend dans la salle. Yes. Yes. Yes. Yes. Que Dieu t'accorde sa gloire. Que Dieu t'accorde sa gloire. Juste avec le clavier. Juste avec le clavier. Yes. J'entends quelqu'un prier et dire à Dieu, Seigneur, je suis comme Moïse. Montre-moi ta gloire. Je suis comme Moïse. Montre-moi ta gloire. Je suis comme Moïse. Montre-moi ta gloire. Je suis comme Moïse. Montre-moi ta gloire. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Pousse encore. Pousse encore. Pousse encore. Pousse encore. Que Dieu t'accorde sa gloire. Que Dieu t'accorde sa gloire. Marako jete lebe karadabaka. Rate lebe konde brata labiaha. Je vois des femmes à genoux. Je vois des hommes à genoux qui ont compris que la gloire de Dieu c'est maintenant. Je vois des hommes qui battent des mains parce qu'ils ont compris qu'ils ont besoin de la gloire pour leur travail. Ils ont besoin de la gloire pour leurs finances. Ils ont besoin de la gloire pour leur santé. Raconde le bekandi bikandoba. Jekonde bekandobaka. Raconde le bechandi bika. Raconde le bechakate le beko. Yes. 3 minutes. 3 minutes. Prie encore. Jekando barandobaka. Rakando bashaka paradabaka. Lekando barakatonge. Yes. Yes. Il y a des soirées de prière où on n'est pas pressé de partir. On veut la gloire. On veut voir Dieu. On veut voir Dieu se manifester. On veut voir Dieu agir dans la vie de nos enfants. On veut voir Dieu agir dans nos familles. On veut voir Dieu agir dans nos études. On veut voir Dieu agir dans notre santé. Il y a des cultes où je ne suis pas pressé de partir. Je ne suis pas pressé de partir. Je ne suis pas pressé de partir. Je reste jusqu'à ce que la gloire. Marakato, Rebekando Bashe, Rabakande Lebeka. Oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu. Shakaparato, Lekaparakata, Shakaparakate. Yes. Ils sont en train de battre des mains. Prie, prie, prie. Shakaparakate. Yes, sont en train de prier. 1 minute, prie encore. Ekaraba shaka paradabaka. Rakatebe shaka paradabaka. Yes. 60 secondes, prie encore. 60 secondes, prie encore. Bas des mains, prie encore. 60 secondes. 60 secondes. Que Dieu te visite. Rabebebe korabaka. Sheka parakatelebeka. La gloire de Dieu est dans la maison. 30 secondes, prie encore. Marakataba shakapaya. Rekatelebe koradabaka. Yes, prie encore. 20 secondes. Prie encore, prie encore, prie encore. Prie encore. Yes. Yes. Yes. Yes. Il y a quelque chose qui vient dans la salle. Marakatoba Shakapaya. Yes. Yes. Yes. Salama Julu. Awa Bibumba. Oui, moi que j'ai à Kalala, comme à Vita. Les Awetu à Bukomo. Bonso. Bantu Bakuchi Nene Kati Bakuyuke. Awa Bibumba, oui, moi que j'ai à Kalala, à ma vita, les Awetu à Bukomo, bonso, Bantu Bakuchi Nene Kati Bakuyuke. Salama Chulu. Lève-toi là où tu es, lève-toi. Si tu es assis, sois debout. Si tu es assis, sois debout, lève simplement tes mains de là où tu es. Lève tes mains de là où tu es. Lève tes mains de là où tu es. Lève tes mains de là où tu es. J'ai vu des personnes que l'Esprit de Dieu était en train d'introduire dans une saison de grâce. Et Dieu m'a dit, j'impacte et je dépose le feu de Dieu sur ceux qui sont appelés à me servir. Et les premières personnes sur qui ce feu de Dieu sera en train de tomber sont ceux qui sont appelés à servir le Seigneur. Et lève tes mains très haut. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Si tu pries en langue, sois en train de prier en langue. Si tu ne pries pas en langue, demande à l'Esprit de Dieu de te visiter. Il y a quelque chose qui entre dans la salle maintenant. Et j'ai vu que cela commençait avec J'ai vu que cela commençait avec 13 premières personnes sur qui cette gloire de Dieu est en train de se répandre. Aidez-moi à les prendre et les amener devant. Ils sont au nombre de 13. La gloire de Dieu commence à circuler maintenant. Si tu parles la langue, parle simplement la langue de là où tu es. Parle la langue de là où tu es. Prends la langue de là où tu es. La gloire de Dieu descend. Maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Père, je prie dans le nom de Jésus que la gloire de Dieu visite ces 13 personnes que tu es en train de toucher maintenant. Alors que nous avons les mains levées, je prie maintenant, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Alors que je compte, j'ai compté 1, j'ai compté 2, j'ai compté 3, j'ai compté 4, j'ai compté 5. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Recevez. Recevez, recevez, recevez, recevez, recevez, recevez, recevez, recevez, recevez, recevez, recevez, recevez, recevez, recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Au nom de Jésus. Garde tes mains levées. Garde tes yeux fermés. Jesus, Jesus. Garde tes yeux fermés. Il y a quelque chose qui descend maintenant. Je vois 6 autres personnes que l'Esprit de Dieu est en train d'embraser par le feu. Et pendant que la servante de Dieu, Big Marlène, était en train de chanter, j'ai vu une vision dans laquelle tu t'es dupliqué. Et j'ai vu ta duplication aller du côté de la chorale. Et j'ai compris que l'Éternel visitait aussi la chorale. Élève tes mains, élève tes mains, élève tes mains. Garde les yeux fermés. J'ai presque fini mon service. Je suis venu pour toi. Maintenant. Précieux Saint-Esprit, je prie que la gloire de Dieu rencontre ces 10 autres personnes que j'ai vues. J'ai vu un vent qui commence à la chorale et qui se répand dans toute la salle. Qui se répand dans toute la salle. Et, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Aidez-les, aidez-les. Venez avec elle ici devant. Il y a quelque chose. Prenez ces personnes, venez avec elles devant. Et lève tes mains très haut. La première personne est là. Il reste 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes. Je prie au nom de Jésus que la gloire de Dieu te rencontre là où tu es. Précieux Saint-Esprit, je prie que la gloire rencontre l'esprit de ces personnes que tu as appelées. Que tu as appelées. Que tu as appelé. Que tu as appelé. Reçois maintenant. Reçois. Reçois. Reçois. Reçois. Reçois. Reçois. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Il y a une gloire à la chorale ici. Levez simplement les mains. À la chorale, levez simplement les mains. Père. Père. Père, tu engendres des femmes dans le feu qui vont puissamment servir le Seigneur. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. 1, 2, 3. Fire. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. La gloire de Dieu monte encore davantage. Plus, plus, plus, Jesus. Mon frère, viens. Le frère ici, viens. Lui, oui. Aidez ces personnes, mettez-les devant. Viens. Quand je te regardais, j'ai vu du feu sortir de ta bouche. J'ai vu du feu sortir de ta bouche. Et le Seigneur m'a dit, regarde cet homme. Je suis en train de l'établir comme sentinelle sur sa famille. Parce que Dieu t'a donné la capacité de prier dans la dimension du combat spirituel. Et lorsque je te regardais, je voyais du feu qui sortait de ta bouche. Et l'Éternel était en train de me dire qu'il t'établit comme sentinelle dans ta famille. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ta famille qui ont longtemps duré. À cause de la puissance de la sorcellerie. J'ai vu beaucoup de gens tomber malades. J'ai vu beaucoup de gens qui ne marchaient pas, beaucoup de choses qui ne marchaient pas correctement. Mais Dieu me dit qu'il répand une gloire sur toi. Afin que tu sois capable de prier et d'arrêter le cycle de la souffrance dans ta famille. Élève simplement tes mains. Je voudrais prier pour toi. Élève simplement tes mains. Je voudrais prier pour toi. Que la grâce de Dieu. Que cette grâce de Dieu soit en train de t'accompagner. Et que tu deviennes la sentinelle par laquelle les choses seront arrêtées. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Et Dieu dit que c'est toi qui te tiendras à la brèche afin d'arrêter le cycle de la souffrance. Je prie dans le nom de Jésus que la grâce et la main de Dieu te localisent. Que l'onction de Dieu vienne sur toi. Maintenant, je t'enrôle dans une dimension de grâce et dans une nouvelle dimension de puissance. Jesus, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. C'est fait au nom de Jésus. Élève tes mains de là où tu es, nous finissons déjà. Élève tes mains de là où tu es. Élève tes mains de là où tu es. Oh mon Dieu, quelle gloire. Il y a une dernière vague de l'esprit qui va souffler. Et je veux juste déposer le micro. Une dernière vague. Elle va prendre plusieurs personnes. La vague, elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle se répand dans la salle. Alors que tu as les mains levées, cette gloire se répand dans la salle. Maintenant. Alors que je compte jusqu'à 7. J'ai compté 1. J'ai compté 2. J'ai compté 3. 4. 5. 6. 7. 7. Saba. Prenez ces personnes, amenez-les devant. 7. Saba. Courez avec ces personnes devant ici. 7. Saba. J'ai vu trois autres personnes. Prenez-les. Courez avec eux ici. Mon Dieu. Prenez-les et courez avec eux ici. Mon Dieu. Courez avec ces personnes devant le protocole. Mon Dieu. Je vois deux autres personnes que l'Esprit de Dieu est en train d'embrasser. Et Dieu me dit, ce sont des intercesseurs. C'est des intercesseurs. Il y a quelque chose qui vient sur le frère en chemise blanche là-bas. Jesus. Il y a quelque chose qui vient là-bas. Il y a un mouvement là-bas. Il y a un mouvement de Dieu là-bas. Cours avec ces personnes ici. Prenez-les, venez avec elles. Mon Dieu. Il y a un mouvement de Dieu. Père, Père. Tu m'as dit que tu embrasses une génération dans le feu. Des hommes et des femmes qui vont puissamment servir le Seigneur. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Je viens de voir dans mon esprit des personnes qui vont entendre leurs oreilles chauffer. Et ils vont comme entendre le son de la trompette. Il y a des personnes qui sont embrasées au niveau des oreilles. Les oreilles vont commencer à chauffer. Viens, donne-moi ta main. Plus, plus, plus. Fire, Jesus. Plus. Je sais que j'ai reçu, je te le donne au nom de Jésus. Jesus. Plus. Seigneur, merci pour ta grâce et ta présence. Je sais que tu n'as pas fini de nous visiter. Merci Seigneur. Merci pour les gloires que tu seras en train de répandre dans les jours à venir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclamer le roi des rois. Est-ce que tu peux m'aider à bien acclamer le Seigneur des seigneurs? Acclame le Seigneur pour les grandes choses qu'il a fait pour nous ce soir. Dieu a fait des merveilles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous allez préparer votre offrande pendant que la sœur Big Marlène va nous préparer un bon cantique. Tu prépares ton offrande, tu offres à Dieu pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus le même, il est l'unique hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus, il est le même, il est le même hier, aujourd'hui, Jésus, il est le même éternellement. Oh, moi je veux chanter pour Jésus, il est le roi dans ma vie de chaque jour, il est le roi. Ta victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer au communiqué. Nous rappelons que demain, nous avons notre célébration qui va commencer à partir de 14h30. Alors, nous invitons tous d'être là. Nous allons passer un très bon moment et un moment fort dans la présence de Dieu. Une célébration, c'est une célébration. Nous allons vraiment laisser l'espace à l'Esprit de Dieu de faire vraiment son travail. Et nous bénissons vraiment la présence de tout un chacun. Merci à toi qui as invité ton frère, ta soeur, ton oncle, ton papa. Invitons tous nos familles, nos invités, nos amis, afin que nous puissions vraiment venir célébrer demain une merveilleuse journée. Alors, le samedi matin, à partir de 7h30 à 8h30, nous avons intercession avec tous les serviteurs. Et à 9h, nous allons faire une descente sur le terrain pour l'évangélisation et la sensibilisation. Et nous allons distribuer des invitations pour inviter les bien-aimés au culte. Les dimanches, à partir de 8h juste à 8h30, il y a intercession. Et juste après l'intercession, nous allons commencer notre culte dominical, un culte de bonnes nouvelles. De 8h30 jusqu'à 11h30. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour le reste, je vais inviter notre papa. Et pendant qu'il s'avance, est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer correctement pour le Seigneur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je remercie le Seigneur pour le travail qui est en train de se faire. Pour la grâce de Dieu qui déverse. Et pour le niveau des enseignements que je suis en train de suivre. C'est vraiment un temps de bénédiction. Il y a des choses qu'il ne faut pas rater. Alléluia. Amen. C'est des enseignements très profonds. Très, très profonds et d'une très bonne stature. Et qui sont vraiment une bénédiction pour tous ceux qui l'entendent. Je suis en train de découvrir des hommes de Dieu extraordinaires. Et je pense qu'il est de la responsabilité de l'Église de garder des grâces. Et ça suppose un travail. Ça suppose des sacrifices. Dans la vie d'abord. Dans la prière. Quand on est jeune, on a beaucoup de choses devant soi. Mais on ne doit pas oublier l'essentiel. On ne doit pas oublier l'essentiel. La vie passe très très vite. Le temps passe très très vite. C'est ce que tu auras bâti. C'est sur ce que tu auras garanti comme fondation qui viendra reposer la suite de ta vie. Plus tard, tu peux avoir beaucoup d'opportunités. Mais tu n'as pas eu de fondement. Et ça ne va pas tenir. Et le vrai fondement, c'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est des sacrifices. C'est étudier. C'est travailler. Ce sont des choses que je suis en train d'entendre. Et je pense que chaque jeune devra comprendre comment l'esprit travaille. Chaque génération, il y a l'esprit qui vient. Qui embarque ceux qui comprennent et qui partent. Pendant que d'autres attendront encore un autre mouvement. Et peut-être que ça ne viendra pas. En tout cas, je vous supplie d'être attentif à la question de l'esprit. Invitez tout le monde. Ça ne concerne pas seulement les jeunes. On a dit carrefour des jeunes, mais je pense que désormais ça concerne l'église. Et il est temps de comprendre comment l'Esprit de Dieu travaille. Alléluia. Amina. Que Dieu bénisse tous les orateurs. Mungu abariki wa ubiri wote. En tout cas, je bénis l'action de l'Esprit en eux. Nabariki tendo la Mungu ndani zao. Et je bénis leur ministère, leur grâce. Nabariki uduma yao na manema zao. Ils iront très loin. Wataenda mbali zaidi. Très très loin. Bali tena zaidi. Nous ne devons pas une terre qui consomme, qui détruit ses enfants. Akusagwa bitumitaweza kualabisha hata watoto wao. Nous devons être une terre qui catapulte ses enfants. Takwa udongo ambao itaanza kusukuma hata bitu kupandisha vitu. Aller dans les hauteurs. Tu as kwenda mumwa. Donc demain à 14h30 15h comme on nous a dit. Kesho na saa 14h30 15h. Tous les jeunes et tout le monde venons. Alike vijana wote hata wengine sisi wote tukujeni. Et dimanche je demandais que tout soit là le dimanche. Na mujuma tutalomba wote wapate kuwa hapa. J'aimerais les présenter à l'église. Napenda kuwatambulisha kanisa. J'aimerais prier pour eux. Napenda kuwaombea. Et j'aimerais que honorer aussi leur grâce. Napenda kuheshimisha tena neema. C'est important. Na kwa ya muhimu. C'est important. Na kwa ya muhimu. Copions de modèles. Tupate kuiba hata ile mfano. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Na ni hivi tunaweza kusonga maisha. Nous nous tenons debout. Tunasimamia yule. Tunaomba remercier le Seigneur. Tutamshukuru Bwana. Père, merci pour ce moment merveilleux. Baba asante kama wakati ya mastajabu. Quand tu donnes une parole à quelqu'un. Wakati unaleta msemo kwa mtu. C'est que tu lui donnes des éléments nécessaires. Pour le puzzle qu'il est en train de constituer pour sa destinée. Et c'est ce que tu as fait de nous. C'est ce que tu as fait de l'église. Je bénis tes enfants ce soir. Et je bénis tes serviteurs. Et ta grâce les accompagne. Jusque dans leur maison. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.